Alors j'ai un problème avec mes paroles parce qu'elles sont pas bien éclairées. Le problème, c'est que je retiens jamais les paroles des chansons que je compose. Ça, c'est embêtant. Je retiens les paroles des autres, mais pas les miennes. Et ça doit s'analyser, le machin, là. Bon, on va pas faire ça tout de suite. Dans ce coin de Lorraine sauvage, c'est un tableau en couleur. On peut répéter, dans ce coin de Lorraine sauvage, c'est un tableau en couleur. Une bonbonnière dans un virage, la ferme du petit bonheur. Une bonbonnière dans un virage, la ferme du petit bonheur. Les bras ouverts à ceux qui passent, ils ont des cœurs de coton. Elle les bras ouverts à ceux qui passent, ils ont des cœurs de coton. Ces hôtes qui donnent une place aux humains comme aux moutons. Ces hôtes qui donnent une place aux humains comme aux moutons. La table est bonne et l'on s'amuse le soir après le souper. La table est bonne et l'on s'amuse le soir après le souper. L'accordéon, la cornemuse viennent vous chauffer les pieds. L'accordéon, la cornemuse viennent vous chauffer les pieds. Si tes pans t'emmènent en Lorraine avec ou sans tes sabots. Si tes pans t'emmènent en Lorraine avec ou sans tes sabots. Pose ton bâton et tes peines, on va te jouer ce brando. Pose ton bâton et tes peines, on va te jouer ce brando. Les patrons de ce petit bonheur, ce sont des âmes bien nées. Les patrons de ce petit bonheur, ce sont des âmes bien nées. Qui savent bien mettre en valeur ce que nous a Dieu donné. Qui savent bien mettre en valeur ce que nous a Dieu donné. Oui, dans ce coin de Lorraine sauvage, c'est un tableau en couleur. Dans ce coin de Lorraine sauvage, c'est un tableau en couleur. Une bonbonnière dans un virage, la ferme du petit bonheur. Une bonbonnière dans un virage, la ferme du petit bonheur. Voilà, merci. Merci Michel, merci de vous.